Ding ding dong, cloche a sonné. Ding ding dong. Ding ding dong, cloche a sonné. Ding ding dong. Yon vie niche paille, nan ville Bethléem, qui Jésus t'est fait pour sauver le monde. Le grand jour c'est Noël, le monde a chanté, poisson a coulé, sous ta tille au grand roi. Dans yon vie niche paille, nan ville Bethléem, qui Jésus t'est fait pour sauver le monde. Bonjour, c'est Noël, le monde a chanté, poisson a coulé, sous ta tion grand roi. Poisson a couler.